C'est le lac endormi, de l'heure à l'unisson, la halte au bord du puits, le repos dans les roses. Et par de longs fils d'or, nos cœurs liés aux choses, sous l'invisible archer, vibrent d'un long frisson. Oh, garder à jamais l'heure élue entre toutes, pour que s'en souvenir, comme un parfum séché, quand nous serons plus tard là d'avoir trop marché, console notre cœur, seul, le soir sur les routes. Voici que les jardins de la nuit vont fleurir. Les lignes, les couleurs, les sons deviennent vagues. Vois, le dernier rayon agonise à tes bagues. Ma sœur, n'entends-tu pas quelque chose mourir? Mets sur mon front tes mains, fraîches comme une eau pure. Mets sur mes yeux tes mains, douces comme des fleurs, et que mon âme, où vit le goût secret des pleurs, soit comme un lys fidèle et pâle à ta ceinture. C'est la pitié qui pose ainsi son doigt sur nous, et tout ce que la terre a de soupirs qui montent, il semble qu'à mon cœur enivré le raconte, tes yeux levés au ciel, si tristes et si doux.